L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Доброе утро, братья, мой маленький Борки. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups. Vous retrouvez votre playlist Rock et New Wave tous les mardis soirs. C'est Stéphane qui vous accueille. Vous êtes bien dans l'heure du loup. Et ce soir, pour faire un petit peu la continuité avec Laurence qui vous parlait de Shakespeare tout à l'heure dans son émission littéraire, eh bien, moi, je vous invite à découvrir la musique d'un peuple aussi passionné qu'Hamlet, qui a parfois des histoires aussi sordides que le roi Lear et qui est tout aussi parfois subtil qu'Othello. C'est le peuple russe et plus généralement les peuples slaves qui seront au cœur de l'émission ce soir, une émission thématique consacrée à la Russie ce soir dans l'heure du loup. Et on commençait avec un groupe qui lui n'est pas russe du tout, c'était Rammstein, les Allemands de Rammstein avec le titre Moscow, Moscou qui est la capitale de la Russie, qui a été la capitale des tsars et aussi la capitale de l'Union soviétique et à l'époque où il y avait le rideau de fer, donc c'était un mur qui séparait l'Europe, un mur infranchissable, un mur immense, au-delà duquel il y avait des plaines immenses, des paysages désertiques, et allez savoir, c'est peut-être un petit peu ce qui a inspiré les Ukrainiens de Somali Yacht Club et peut-être aussi le morceau Desert Waltz. Somali Yacht Club avec le titre Desert Wall. C'était un extrait de l'album The Sun qui était sorti il y a 3 ans. Somali Yacht Club, un groupe qui vient de Lviv en Ukraine, une grande ville au milieu des grandes plaines à la frontière polonaise, pour raisonner un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc des groupes ukrainiens, des groupes russes, quelques groupes étrangers aussi, c'est un petit peu le thème ce soir, puisque ce week-end, c'était le nouvel an russe. Vous savez que ces couillons orthodoxes du côté de Moscou fêtent fête toujours le nouvel an avec 15 jours de décalage par rapport à nous autres, les peuples civilisés, puisque par rapport aux bizarreries du calendrier julien, du calendrier grégorien, enfin il y a des différences de calendrier qui fait que, et de culte aussi, qui fait qu'il y a toujours un petit décalage. S'en plaindra-t-on? Certainement pas, puisque ça nous permet un petit peu de picoler deux fois plus et de faire la fête deux fois plus pour ceux qui en ont envie. Et en plus, avec ces temps de froidure qui nous sont revenus, hein, puisque les journalistes n'arrêtent pas de parler de ça aux infos, hein, à croire qu'ils n'ont pas de trucs intéressants à nous dire. C'est l'hiver, il fait froid et donc on peut se réchauffer avec de la vodka, avec de la bonne musique ou avec les deux. C'est vous qui voyez, je sais pas ce que vous faites quand vous écoutez Osmose Radio, les amis, mais moi je m'occupe du côté bonne musique ce soir. Et donc on commençait avec ces deux groupes, Rammstein et Somali Yacht Club. Alors ce soir, disais-je, la playlist sera consacrée à la Russie, un sujet qui me tient à cœur, hein, un peuple qui m'intrigue, un peuple qui me dégoûte aussi souvent, mais qui me fascine de toute manière et qui est au cœur d'un vivier culturel de traditions et de musique, par conséquent fort intéressant, et je vais m'en faire l'écho pour la scène rock et new wave ce soir. Alors la scène rock en Russie, la Russie étant l'ex-Union soviétique, ça n'a pas toujours été facile, vous vous en doutez évidemment. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques émissions de cela, je vous avais donné un petit aperçu, mais je vais continuer ce soir, puisque dans les années 80, on pouvait très bien faire de l'hôpital psychiatrique quand on jouait du rock. Hein, c'est comme ça que le KGB soignait les dissidents à l'époque, et il les foutait plus au goulag, il les foutait à l'hosto psychiatrique. Et donc dans les années 80, c'était un petit peu tendu. Et ben c'est justement pendant cette période, avant la perestroïka de Gorbatchev, où c'était particulièrement tendu, qu'une américaine un jour a déboulé à Leningrad. Cette petite qui venait de Californie s'appelait Joanna Stingray, et elle a eu une influence majeure sur la scène du rock indépendant russe des années 80. Et en fait elle était chanteuse elle-même, ou elle est devenue, et elle a fait quelques titres qui ont été célèbres, appréciés aux États-Unis, mais qui ont été des succès monstres en Russie. Et elle incarne un petit peu ce renouveau, alors même qu'elle est pas russe, elle incarne un petit peu ce renouveau de la scène musicale dans les années 80 du côté de Moscou et surtout de Leningrad. Et Leningrad, bah justement, la ville de Lénine, c'est avec ce titre qu'on va continuer tout de suite, Joanna Stingray. Dans ta chambre tout seul, petit cochon capitaliste, tu avais raison, c'était fait pour ça. À l'instant, c'était Super Bass qui prouve que du côté des anciennes républiques soviétiques, on aime aussi taquiner le dance floor. Super Bass avec le titre Prikazanie Zabivat, qui signifie forcer à oublier en fait. C'est un extrait de l'album sorti en 2014, Musique pour les filles, parce que ouais, c'est en français dans le texte. Super Bass, ce sont en fait des Biélorusses, ils viennent de Minsk et ils chantent en russe, mais ils s'inspirent de noms français. Le rien que le nom du groupe d'abord, c'est Super Bass, bah, c'est la station de sport d'hiver dans le Massif Central. Les musiciens, en fait, quand ils étaient petits, regardaient le Tour de France à la télé et du coup, ils voyaient régulièrement Super Bass parce que c'est une étape du Tour de France et ils se sont inspirés de ça, de ce souvenir d'enfance pour le nom de leur groupe. Voilà pour l'anecdote. Et donc, tous leurs albums aussi ou leur EP portent un nom français. En l'occurrence, là, c'est un extrait qu'on écoutait. Musique pour les filles. C'était enchaîné juste avant avec un truc un petit peu plus ancien mais qui a inspiré ces jeunes gens, j'en suis sûr. C'était Johanna Stingray, une américaine exilée du côté de Leningrad avec le titre City of Lenin. Leningrad qui depuis a retrouvé son nom de Saint-Pétersbourg, qui était déjà la ville la plus européenne de Russie à l'époque de Catherine II. Mais aujourd'hui, bah, c'est toujours vrai. Hein. J'en veux pour preuve bah, la riche scène underground des années 80. Parce que là, on écoutait un morceau qui était sorti en 1988. Soit 4 ans après que Johanna Stingray ait débarqué en Russie. Alors évidemment, comme tous les étrangers, comme les Russes eux-mêmes d'ailleurs, elle a eu quelques petits emmerdements avec le KGB, mais finalement elle a toujours réussi à se débrouiller, notamment avec les copains qu'elle s'était fait sur place et qui l'ont beaucoup aidée. Et c'est grâce à elle notamment, grâce aux photos qu'elle a fait, grâce au tournage vidéo, au bootleg qu'elle a enregistré pendant les concerts, etc., c'est-à-dire les enregistrements pirates qu'elle a fait. C'est en grande partie grâce à elle qu'on a beaucoup de documentation sur cette période de la musique en Russie, parce que 84 c'était vraiment très très tendu entre les deux blocs, tout le monde s'attendait à une holocauste nucléaire le lendemain. Quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, ça s'est calmé un peu en 86, mais on a du mal aujourd'hui à concevoir à quel point c'était tendu, et évidemment tout ça se ressentait dans la vie culturelle et ça se ressentait aussi dans les musiques, dans les compositions, tout ça. Et c'est grâce finalement aussi à Johanna Stingray qu'on connaît un des garçons les plus charismatiques et un des groupes les plus emblématiques de cette période-là. Je pense au groupe Kino. Ça signifie cinéma en allemand, ça signifie cinéma aussi en russe pour l'occasion. Et c'était un groupe qui était emmené par un garçon qui s'appelait Victor Tsoï, ou Victor Tsoï, enfin je sais pas, c'est une prononciation un peu bizarre. C'était un garçon, pour vous le résumer, en fait, c'était à la scène rock russe des années 80 ce que Jim Morrison a été à la scène rock américaine des années 60. Voilà. C'était un garçon assez beau gosse, qui avait un côté poétique. Ça se ressentait vraiment dans les paroles des chansons. Il y avait une espèce de mélancolie très influencée par les poètes, un peu les poètes maudits, tout ça. Mais ça restait quand même un son très rock. Et donc Kino est vraiment un des groupes les plus emblématiques de cette période-là, et le groupe russe, encore 30-40 ans après, les plus appréciés dans la mémoire des gens, même pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Voilà. Kino, eh bien, je vous propose de vous en faire une idée, et du son du groupe et du talent de Victor Tsoï qui chantait, qui écrivait les paroles notamment, et qui est mort dans un accident de voiture en 1990, au moment justement où le groupe commençait à vraiment être reconnu, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger, comme quoi c'est un peu comme Jim Morrison, c'est un peu un destin maudit. On va se faire une idée donc du talent de ce garçon-là avec le titre Conchita Leta. больше не могу смотреть на дерьмо про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Conchita Leta, un extrait de la scène post-punk et new wave des années 80 en Russie avec le groupe Kino, qui est emmené par le regretté, puisque là-bas il est encore très très célèbre, Victor Tsoï, qui incarnait un petit peu comme ça ce côté rock mélancolique, très très influencé par The Cure, comme vous venez de l'entendre, avec ce titre, Conchita Leta. Voilà, soyez les bienvenus sur Osmose Radio si vous nous rejoignez. Les amis, vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane, qui vous a concocté une playlist consacrée à la Russie. Ce soir, c'est le thème, et évidemment l'inénarrable, le savoureux, le délicieux Nourdine aux manettes pour vous lancer les morceaux. Et donc, ce petit aperçu qu'on vient d'avoir de la scène indépendante des années 80 en Russie, c'était du côté de Leningrad, qui était un petit peu un microcosme très créatif et très dynamique comme ça à l'époque. Et deux ans plus tard, en 86, du côté, pas de Leningrad, mais plutôt du côté de Kiev, ou plus précisément du côté de Pripyat, un peu plus au sud, eh bien, c'était la catastrophe de Tchernobyl, qui, moi, quand j'étais petit, m'avait fait très peur avec cette histoire de nuages radioactifs qui, soi-disant, passaient pas les frontières, hein. Et puis, finalement, quand on a vu en Corse des chèvres qui naissaient avec deux têtes, là, on a commencé à se poser des questions, malgré la propagande du gouvernement. Et donc, j'ose même pas imaginer ce que ça a été pour les gens qui étaient sur place. D'ailleurs, les soviétiques sont connus, ce soir, je vous donne un aperçu de leur bonne musique, mais ils sont aussi connus pour leur humour. Par exemple, au moment de Tchernobyl, il y avait une blague soviétique. C'est deux mecs qui discutent dans un verger à côté de Pripyat, donc à côté de Tchernobyl, et ils disent « Eh, dis donc !» Tu crois qu'on peut manger cette pomme de Tchernobyl ? Et son collègue lui répond « Évidemment qu'on peut manger cette pomme, mais par contre, faudra faire gaffe à bien enterrer le trognon très profondément. » Voilà, c'était une blague soviétique, on rigole comme on peut avec la radioactivité. Et donc, écoutez, moi j'aime bien cette manière de tourner l'horreur en dérision. Cette horreur justement nucléaire, ce qui aurait pu être une apocalypse, influence encore presque 30-40 ans après notre imaginaire. J'en veux pour preuve toutes les créations artistiques qu'il y a autour de ça, et comme parfois aussi de très très bons jeux vidéo, comme celui dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. C'est le jeu vidéo Stalker, qui a été créé par un studio ukrainien il y a une dizaine d'années, et qui avait l'originalité de prendre pour cadre justement l'univers de Pripyat, donc la zone interdite autour de la centrale nucléaire, la tristement célèbre centrale nucléaire, plus ou moins désaffectée. Ce jeu vidéo s'inspirait aussi vaguement d'un film de Andrei Tarkovsky, un film soviétique des années 60-70, qui était assez tordu d'ailleurs à ma connaissance. Donc ce jeu vidéo était connu donc pour cet univers un petit peu glauque, pour ses sources d'inspiration, pour le cadre qu'il prenait, pour la qualité aussi de sa réalisation, mais aussi pour sa bande originale, qui a été composée en partie par un groupe métal ukrainien qui est vraiment très bon, puisqu'il existe toujours. Il s'est créé à la fin des années 90, c'est le groupe Firelake, dont je vous ai ramené quelques morceaux régulièrement dans l'émission, et ce soir je vais continuer avec un autre extrait de la bande originale du jeu Stalker, ce soir Live to Forget. Через сотни лет мы растаем в пыли своих надежд, оставляя поколениям горький след. И в памяти лица близких нам людей праздник красных флагов, звонкий смех детей. Все исчезло, остались слезы среди камней. Yeah. всяких бед забываем о призвании свысока. Мертвой листвой укрыла вся земля, за спиной деревьев спрятались дома. В этот город не вернуться никогда. Растворяй On reste dans les bandes originales de jeux vidéo, les amis, avec cet extrait de la bande sonore du jeu Metro 2033. Et c'était Don't Forget. C'était enchaîné juste avant avec un morceau qui s'appelait Live to Forget. Faudrait savoir, hein, décidément. Oublier, ne pas oublier. Ben ouais, faudrait peut-être pas oublier des fois que le monde confortable dans lequel on vit pourrait tourner au cauchemar en cas de cataclysme. Et c'est notamment l'objet de ces deux jeux vidéo. Donc Stalker, dont je vous parlais tout à l'heure, avec cet extrait de la bande originale par le groupe Firelake, Live to Forget. Et celui qu'on vient d'écouter à l'instant, Don't Forget, qui est extrait de la bande originale du jeu vidéo Metro 2033, qui lui-même est aussi inspiré d'une autre œuvre artistique. En fait, en l'occurrence, c'est un roman d'un garçon qui s'appelle Dimitri Gloukovski, un auteur de science-fiction apprécié en Russie. Alors là, faudrait demander à Laurence, parce que moi, je connais pas du tout. Hé, hey, Laurence ! Hé, hey, oh ! Ah zut, elle est partie. Bon bref, on lui demandera la prochaine fois. Un roman de science-fiction, comme le Trône de Fer de George R. R. Martin. Vous voyez, il y a plusieurs tomes et tout, c'est une vraie saga. Et ça se passe dans un monde post-apocalyptique du côté de Moscou, où les survivants de l'apocalypse nucléaire se sont réfugiés dans les souterrains et donc dans le métro de Moscou, qui est quand même un des plus grands du monde, qui se sont constitués en clans, etc., qui se rassemblent par obédience idéologique, mais aussi par niveau de radiation, parce que parmi les humains survivants, ben, il y a des mutants, en l'occurrence, et voilà. Et donc, ils se battent pour les dernières ressources disponibles, et ils font les petits trafics, voilà. Tout ça, donc, ça se passe dans les souterrains de Moscou. Mais bon, nous, on va revenir à la surface de la Terre, on va revenir dans le monde tel qu'on le connaît, et on va aborder un autre aspect de la musique russe et de la culture russe en règle générale, c'est le côté un petit peu païen. Les dieux du paganisme, les dieux d'avant la colonisation chrétienne de ce grand pays orthodoxe, hein, dans lequel la religion est aussi un ciment d'unité nationale, mais qui pourtant reste très proche de ses origines chamaniques, tout ça, avec les sorciers, avec les cultes de la nature et tout. Et bien, c'est aussi un petit peu de ça que s'inspirent les groupes de folk metal, notamment Arkona, un groupe que vraiment j'aime bien, avec la petite Masha qui est toute petite en fait, mais qui rugit comme une bête sauvage et qui elle aussi a des côtés un petit peu chaman, sorcière, tout ça. Vous allez pouvoir vous en faire une idée avec le morceau qu'on va écouter tout de suite, Nazvalogovoy Dorodje. Thank you. Je vais enfin pouvoir assouvir mes sombres desseins. La dernière héritière des grands Vanoff va mourir. Au plus noir de la nuit, c'était l'enfer, le calvaire. Un horrible cauchemar me remplissait d'effroi. J'en ai perdu mes esprits. Un corps partait en charpie. Quand j'ai ouvert les yeux, le cauchemar, c'était moi. J'étais le plus grand sorcier de la Sainte Russie. La traîtrise impériale fut une erreur fatale. Maudit, ils ont tous péri. Mais une petite fille s'est enfuie. Petite Anya, prends garde, Rasputin s'éveille. Un petit extrait d'une des chansons du film de Don Bluth, Anastasia, qui est sorti il y a une vingtaine d'années. Ouais, je sais, c'est un peu cuculé après ligne, mais moi j'aime bien. Et Anastasia, donc cette duchesse de la dynastie des Romanov qui s'était évanouie dans la nature après que le tsar Nicolas II ait été exécuté. Et en fait, on l'a jamais retrouvée, on n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Sa famille exilée en France notamment avait cherché à savoir, et c'était donc une des légendes qui avait inspiré ce film. Ce très très bon film d'animation d'ailleurs, pour une fois qu'un film d'animation américain n'est pas un Disney. En plus, ça faisait plaisir. Voilà, chers amis. C'était enchaîné avec deux autres morceaux. Arcona, du folk metal bien bourrin, mais j'ai été gentil pendant toute la playlist. Alors, je me suis dit que je pouvais vous défoncer les oreilles à la fin de l'émission. C'était Nas Valogovoy Dologe. Je sais plus ce que ça veut dire, mais à mon avis, la traduction que je vous propose, c'est attention, ça défonce les oreilles. Et sinon, après, c'était le groupe Rada et Ternovnik avec le titre A Pridiet Para. Ça signifie le temps viendra. Ben justement, le temps est venu de nous quitter bientôt, chers amis. C'est un extrait de l'album Ukok qui était sorti en 2013, et chacune, Masha dans Arcona ou Rada dans le groupe Rada et Ternovnik, sont chacune un petit peu, ont ce côté un petit peu chaman, prêtresse, sorcière sibérienne, qu'elles incarnent chacun dans des styles un petit peu différents. Et Rada et Ternovnik, alors quand ils font pas du jazz rock, ils font vraiment des choses très très bien dans ce style folk, rock, prog, etc. Voilà, chers amis. Bah écoutez, on va conclure. C'était ma playlist consacrée à la Russie à l'occasion du Nouvel An russe qui avait lieu ce week-end. Chers amis, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez trouver celle des années précédentes, évidemment, sur les podcasts du site Osmose Radio, osmose-radio.fr, et bien entendu sur le Facebook de L'Heure du Doux. Vous pouvez retrouver aussi quelques liens, les playlists, les podcasts, etc. Comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé. Puisque à l'instant on parlait de Rasputin, eh bien je vais me vautrer dans les clichés. D'ailleurs, ça faisait bien rire mon gentil technicien Nourdine. On va se vautrer dans les clichés avec le moine le mieux membré de toute l'histoire de la Sainte Russie, un garçon un petit peu mystique, mais sans doute aussi un petit peu bourré à la vodka perpétuellement, hein, comme disait Schwarzenegger dans le film Double Détente. Bah, vous savez, nous, pour se réchauffer en Russie, on utilise la vodka. Et moi de rajouter avec modération, mais c'est parce que c'est la loi française qui m'impose de dire ça. Voilà, chers amis, comme je vous disais, on va se vautrer dans les clichés avec Bonnet M. Vous vous souvenez, le groupe qui avait des chanteuses qui avaient des gros seins, puisqu'elles avaient des bonnets M. Hein, et bien justement, on va se quitter avec un de leurs morceaux majeurs, justement un morceau qui se consacrait à l'histoire de ce moine un petit peu bizarre et qui incarne un petit peu la fin de l'empire tsariste, Rasputin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Spasiba, da svidanie. for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man began.